Théâtre sur Fadjet avec Julia et Rodolphe. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Fadjet 94.2 ou fadjet.net et bienvenue à notre nouvelle émission qui s'appelle Coup de Théâtre. Je suis Julia, co-présentatrice de cette émission, accompagnée de Rodolphe. Bonjour Rodolphe. Bonjour Julia, je suis ravie d'être là avec toi. Super, nous serons toujours tous les deux lors de cette émission. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le principe ? Eh bien, Coup de Théâtre, c'est une émission où on parle d'impro, où on fait de l'impro et où on rigole bien sûr avec à chaque fois un invité improvisateur ou humoriste que nous allons essayer de mieux connaître en tant que comédien mais aussi de personne. On va donc jouer avec lui ou elle, lui poser des questions et évoquer bien évidemment son actu et celle de l'impro et de l'humour sur Nancy. Et notre premier invité, c'est... Valentin ! Salut à bonjour. Tous ! Bonjour, bonjour ! Ça va bien ? Oui, ça va, nickel ! Super ! Est-ce que en une petite minute, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais ici ? Alors, donc, je m'appelle Valentin, j'ai été gentiment invité dans cette nouvelle émission de radio. Ça va être improvisé parce que je ne sais pas exactement ce qu'on va faire, mais je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, Julia, Rodolphe et puis ainsi que les auditeurs. Alors moi, je fais de l'improvisation depuis quelques années avec Improdisiaque et aujourd'hui avec les Poissons Rouges, la troupe des Poissons Rouges dont d'ailleurs vous faites partie également. Mais non. Exactement. Si. L'impro, c'est quelque chose qui a beaucoup de place dans ma vie et c'est une grande passion en fait. C'est quelque chose qui m'a permis aussi de gagner confiance en moi. D'améliorer mon rapport avec les autres, mon rapport à moi-même aussi. Je pense que c'est d'abord rapport à toi-même et ensuite rapport avec les autres. Et aujourd'hui même, j'en ai fait mon métier parce que j'anime des ateliers, je fais des spectacles avec les Poissons Rouges, sans les Poissons Rouges. Ça t'a apporté que du positif ? Ça m'a apporté que du positif, vraiment. Je vois pas trop de choses négatives. On va te forcer à en trouver, t'inquiète. Ok. C'est bon pour toi ? Ouais, c'est bon pour moi. Ouais. Eh bien super, merci beaucoup pour cette courte présentation. Et on passe à la suite. Coup de théâtre sur Fadjet, le portrait de l'invité. Donc on va essayer de mieux te connaître sous forme un peu de portrait chinois, Valentin. Donc je vais te donner à chaque fois un mot et tu me dis, enfin tu vas me dire à quoi correspond ce mot pour toi. D'accord. Ce qui te vient le premier à l'esprit. Si je te dis si je te demande de me donner un lieu. Un lieu, je dirais Nancy. T'es nancyen depuis toujours ? Non, à la base, je suis de banlieue parisienne. Et Nancy, pourquoi j'ai dit Nancy ? Parce que c'est vraiment ma ville de cœur, ma ville adoptive. Et je me sens même lorrain aujourd'hui. Waouh ! Une catégorie d'impro que tu chéris particulièrement ? Principal, secondaire. ça me permet de faire sortir toutes les personnes qui sont en moi. Mais t'aimes surtout être le secondaire. Ouais, j'aime surtout être le personnage secondaire, donc celui qui fait tous les personnages. Donc le principal secondaire, t'as un personnage qui joue son personnage et l'autre va jouer tous les personnages autour. Donc ça me permet de faire vivre ma schizophrénie peut-être. Ouais, et puis c'est très sportif surtout. Est-ce que tu pourrais me citer un méchant de fiction ? Un méchant de fiction, c'est dur parce qu'il y en a beaucoup. J'aime bien Terminator parce qu'au début il est méchant et après dans la suite il devient gentil. Une espèce encore de la schizophrénie. Le T-1000. Le happy end. Un spectacle que tu as joué ou que tu as vu qui t'a particulièrement impressionné, marqué. Alors un que j'ai joué, c'est un pro de là. Je l'ai joué plusieurs fois. C'est un spectacle qui parle d'un accident de voiture, d'une famille, tout ça. C'est assez tragique. Et c'est plein d'émotions, donc celui-là, il reste gravé. Et en plus, c'est toi qui l'as conçu, ce spectacle. Ouais, ouais. Ne sois pas trop modeste. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire une boisson ? Ah, whisky ? Sans commentaire, avec modération, bien évidemment. Oui. Un gros mot ? Fils de pute. Ah oui, voilà, on coupera. Non, c'est en direct, on ne peut pas. C'est celui que tu dis le plus souvent ou ? Non, c'est un que j'affectionne particulièrement, parce qu'il est à la fois violent... Mais à la fois, il peut être affectueux. Mais en même temps, on s'adresse à deux personnes en même temps en disant ça. On inclut plein de monde. La famille, et c'est bien la famille. Un thème d'impro. Un thème d'impro qui te parle comme ça. Là, si tu avais un thème à nous donner d'impro, ça serait lequel ? Moi, j'aime tous les thèmes d'impro. Des fois, j'entends des gens dire « Ah, il est nul ce thème ». Et moi, en fait, je prends ce qui vient. Donc, j'ai pas vraiment de... Là, je vois la clim en face de moi. Bah, je dirais la clim, sachant que c'est bientôt l'hiver. Je trouve que c'est un thème intéressant. Si tu devais donner un moment de ta vie ou de la journée ou de l'année, enfin un moment. Alors un moment de ma journée bien pourri, c'est tout à l'heure, j'ai déposé ma voiture au garage et je me suis pris la flotte à mort. Et donc c'était un peu désagréable. Que beaucoup aujourd'hui. Ouais. Un mime ou une manipulation que tu aimes bien réaliser sur scène. Ouvrir une porte, parce qu'on l'a appris, dans un stage et ça m'est resté. Et puis j'aime bien monter à la corde aussi. T'es devenu crédible, c'est ça. Ouais, le fait de l'avoir appris, maintenant ouais, tu maîtrises. Monter à la corde. J'ai l'impression, en tout cas, de le maîtriser. Et tu ne passes plus à travers la porte, quoi, en fait. C'est ça. Tu te recules suffisamment. Et enfin, pour terminer, c'est la dernière, un improvisateur. Je sais pas si t'es un improvisateur. Un improvisateur. Il y en a plein qui me parlent, mais disons que dans les improvisateurs. Nancéen, mais je citerai Audrey parce que je trouve qu'elle a une capacité d'adaptation et puis elle arrive à jouer plusieurs choses. Elle reste pas enfermée dans une dans un style en particulier. Merci beaucoup Valentin d'avoir joué le jeu de ce petit portrait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et ceci est une sonnerie de téléphone. Oui, pour les plus jeunes, ils ne servent pas parce que ça ne sonne plus comme ça. Donc faut que je réponde. Cette chronique s'appelle « Dernier SMS reçu ». Donc je vous invite tous les trois, je nous invite à chercher le dernier SMS reçu qui a un minimum d'intérêt. Donc soit sur WhatsApp, e-message, Messenger, peu importe, qui peut avoir une histoire derrière racontable. Quelque chose qui vous a fait, qui pourrait intéresser le public. Dès que quelqu'un est prêt, moi j'ai reçu l'un des derniers messages reçus sur Messenger de ma famille. J'ai envoyé en fait une vidéo de ma nièce qui mange une madeleine comme une poule, ouais, sans les mains et qui comme ça. Et ma tante réagit en disant « Mais c'est quoi cette petite cochonne ?» Voilà. Et sorti hors du contexte, j'ai trouvé ça très drôle. C'est tout. J'ai pas grand-chose d'intéressant. Mais dernier, et c'est parce que t'as envoyé toi aussi, ça peut marcher. Ouais, bah j'ai envoyé un... Ouais, envoyé, c'est un peu plus intéressant. En fait, c'est un... En passant dans la rue Mont-Désert, j'ai envoyé une photo... d'une rue perpendiculaire où mon pote, l'année où j'arrive à Nancy, laisse sa voiture parce que le moteur a cramé. Et donc, il laisse sa voiture là, elle part pour la casse. Ouais. Ok. Okay. Eh bien, moi, je vais vous faire deviner. Moi, c'est un SMS que j'envoie à quelqu'un. Je dis non, il devait m'appeler. Ah, peut-être que tu as un rendez-vous professionnel très important que tu attends depuis vraiment longtemps de quelqu'un haut gradé, tu vois, dans le game de l'impro, quelqu'un te demande, je sais pas, peut-être si cette personne a pris contact avec toi. Je dirais que c'est quelqu'un de très très haut placé. Eh ben moi j'ai envie de dire une autre possibilité. Rappelle-moi le SMS. Non, il devait m'appeler. Point d'interrogation. C'est toi qui dis ça? C'est moi qui dis ça. Okay. Ben moi je vais partir plutôt à un membre de la famille qui te parle plus depuis très longtemps. Ah ouais. Et genre là il est revenu et il a dit quelque chose à quelqu'un d'autre que tu connais et donc non il devait m'appeler, peut-être la réconciliation ultime entre vous, un truc comme ça. Ça aurait été magnifique, mais c'est beaucoup plus fadasse que ça ressemble plus à ce qu'a proposé Julia. On me demande si quelqu'un m'a appelé pour des ateliers, notamment par rapport à l'apprentissage du français. Je ne savais pas que cette personne devait m'appeler, c'est pour ça que je le demande. Ok, merci beaucoup, il est enfin temps de faire de l'impro. 3, 2, 1, impro. Parce que l'impro, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et on te propose un jeu. Petite mitraillade, c'est-à-dire que je vais te donner un mot et tu vas nous jouer ou nous raconter une histoire, c'est toi qui vois, assez rapide, en 30 secondes. Je te couperai si besoin grâce à ce mot qui va évidemment t'inspirer. Ok. Si je te dis gothique... Donc je démarre tout de suite là. Vas-y, c'est parti. Entrez mon enfant, entrez dans cette église. Libérez-vous de ce mal. Oui, je me libère. Entrez, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Je n'ai pas de crainte, je n'ai aucune crainte. Je venais ici justement pour ça, pour être rassuré, et je le suis. Très bien, car d'habitude, quand on voit mon visage affreux, on meurt de trouille. Ah, mais Je ne reste pas sur des a priori physiques. Non, au contraire, je ressens une certaine attirance pour vous. Oh, je suis décontenancé. Je ne sais plus quoi dire. Merci, fin de l'impro et bravo, bravo Valentin. Nous applaudissons en tournant les mains pour ne pas faire trop de bruit, mais bravo. Julia, est-ce que tu peux proposer un autre thème, un autre mot à Valentin, oui, s'il te plaît ? Oui, le mot sera moustique. Tcha, je t'ai eu. Non, s'il te plaît, lâche-moi. Non, non, c'est toi qu'il fallait. Fallait que tu me lâches avant. Ok, ça fait une heure que j'essaie de dormir. Alors fallait y penser avant, maintenant je vais t'achever. Non, non, s'il te plaît, j'ai déjà une aile en moins, je pourrais plus rien faire là. S'il te plaît, laisse-moi partir. Peut-être que je vais guérir, peut-être que... Écoute, je... S'il te plaît. Bon, d'accord. De toute façon, avec une aile, tu feras plus grand-chose. J'ai pas de l'impro, ok, trop bien. Allez, troisième mot, spéléologie. Oh, oui. Alors, on est tous prêts ? Oui, je suis prêt. Ouais, je suis prêt. Alors donc, on va sauter dans cette caverne. Vous avez votre sac à dos, vous avez votre casque, tout est ok, tout est installé ? Ouais. Bon, alors, je vous montre, hein. J'y vais en premier, vous me suivez. Allez, c'est ça qu'il faut faire ? Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Je propose qu'on aille plutôt manger un casse-dalle. On le laisse dans ce trou et nous, on va manger notre casse-dalle. Ouais, ok, on y va. Merci, fin de l'impro. Bravo Valentin, quel talent. Quelle variété de personnages. Merci. Oui, mais à chaque fois, des relations humaines fortes. Oui. Quand même, il faut dire. Vous n'aviez pas les images, mais il jouait. Il jouait devant le micro. Hein. Il s'est mis trois claques sur la joue pour l'histoire des moustiques, ouais. Et des vraies claques. Prends soin de toi, Valentin. Merci. Très bien, eh bien, merci beaucoup. On va écouter un titre que tu nous as suggéré. Je te laisse la musique pour nous expliquer ensuite pourquoi tu aimes cette musique et pourquoi elle t'est si chère. Okay. On se retrouve juste après. Merci Desireless, Voyage Voyage. Et du coup, j'aimerais comprendre pourquoi cette musique est si importante pour toi. Alors en fait, c'est une espèce d'hymne au sein de ma famille qui me correspond moi particulièrement. En fait, ça vient d'une soirée très alcoolisée où on fait une fête où il y a de la famille, des amis. Et je me retrouve avec ma sœur et le frère de ma belle-mère, donc la femme de mon père à cette époque-là. On veut pas que la soirée se termine, donc on part en boîte. Ensuite, une fois que la boîte est fermée, on veut pas que ça se termine, donc on va chez lui. Il habitait à Colombes dans le 92 et il a un jukebox. Sauf que il a pas les titres, il a que des numéros. Ah. Et quand je cherche des musiques, en fait, je tombe que sur des musiques que j'aime pas. Et là, je tombe sur Desireless. Et je me dis, bon, bah maintenant, je vais arrêter de chercher des musiques. Et j'ai mis ça toute la nuit, en fait. J'ai mis Voyage, Voyage toute la nuit. Temps je dirais pendant 3 heures. Ah ouais, quand même. Mais ça t'a jamais lassé ? Non, pendant 3 heures, j'ai mis voyage. C'est la seule que tu supportais, en fait. C'est la seule que je supportais. Après, c'était soit des trucs trop calmes, soit trop drama, tout ça. Donc, celle-là, elle était un peu soirée fiesta. Donc, ça me faisait danser. Donc, je l'ai laissée pendant 3 heures. Et donc, c'est resté. Donc, à chaque fois qu'il y a une soirée de famille avec ma sœur, avec mes sœurs, on met cette musique. C'est obligatoire. Ok, bah, ouais. Merci. Merci pour cette explication de Desireless. Souvenir. Ça fait un peu peur ce jingle. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Comme tu l'as compris, on va un peu piocher dans tes souvenirs. Mmh. Et en fait, moi, j'aimerais que tu me racontes le pire moment que tu as vécu sur scène ou au moment d'un spectacle, avant, après, pendant. Ok, le pire moment, c'était lors d'une intervention où vous étiez là d'ailleurs. En fait, je citerai pas pour qui on intervenait, mais c'était un gros repas lors d'une une grosse journée nationale, etc. Et pendant le repas, on devait intervenir 3 fois 20 minutes pour faire des spectacles d'improvisation. Et en fait, il y avait très peu de réactions dans le public. C'était le moment du repas, ils étaient occupés à autre chose, à se retrouver, à discuter, à manger, à boire. Et il n'y avait pas trop de réactions. Et en plus, quand on termine notre première intervention, on sort, on retourne à table avec eux. Il n'y a aucune... D'habitude, on a des retours. Ouais, c'était trop bien, bravo et tout. Et là, il n'y a que des bruits de bouche. Vraiment, je me sens mal. À l'époque, je fumais encore. Donc, je sors pour fumer une clope. Et je me dis, j'ai envie de m'enfuir. J'ai envie de partir. Et finalement, après, on a refait deux autres interventions. Et on a eu des bons retours. Mais c'était un public, on va dire, un peu pudique au niveau des sentiments, des émotions et... C'était très dur, dur à vivre. C'est important pour toi d'avoir des retours tout de suite après une intervention, quand t'as une salle qui fait la gueule, qui te regarde, qui fait la gueule, qui fait aucun bruit, aucune réaction, ouais, c'est un peu dur, je trouve, en tant que comédien, même si on continue le truc, mais intérieurement, on se dit, waouh, c'est dur. C'est vraiment... Et au contraire, quand t'as un public qui rit, qui réagit, qui applaudit, machin, là, t'es porté et tu te surpasses. Ouais. Alors que là, j'avais vraiment envie de m'enfuir. Ouais, il faut un juste milieu quoi, entre les bruits de bouche et l'ovation, même si on préfère les ovations, bien évidemment. Il y avait des gens dehors avec toi ? Personne n'a fait t'as fait de retour ou de commentaires ? Non. Heureusement, plus tard, j'ai croisé des gens qui m'ont fait des petites réflexions, genre « Ouais, c'était bien ton spectacle et tout !» Mais pendant la représentation, rien, zéro. Ok, on va vite oublier ce mauvais souvenir et j'aimerais que tu nous partages, à l'inverse, un moment... Vraiment hyper positif, très joyeux, tu t'es senti hyper bien, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Là, c'est super compliqué à choisir parce que je pense à notre... Ça veut dire qu'il y en a eu plein par rapport au négatif. Il y en a vraiment eu plein et chaque spectacle, c'est quelque chose de grandiose, je trouve. Et je pense à notre match nouveau, vous étiez là aussi encore, vous êtes tout le temps là. En fait. je pense à notre match nouveau, mais depuis, je pense surtout à nos spectacles avec les Poissons Rouges quand on est à... Quand on est dans les MJC, là, on fait Pichon. Et cette année, on est à Pichon. Et c'est vraiment un plaisir de jouer avec vous, avec d'autres invités. Mais le fait qu'on ait de ce chemin parcouru, justement, entre notre match nouveau, notre premier spectacle, où c'était incroyable comme sensation, et là, de jouer des spectacles où on est là, presque ça devient une routine, alors que ça, finalement, c'est un truc incroyable, justement, de présenter des spectacles, d'être ensemble. Après tant d'années et d'évoluer ensemble en fait. J'allais te demander, est-ce que t'as le stress, j'imagine qu'il est encore là, mais est-ce que t'as toujours la même excitation entre le juin 2016 où on a démarré et genre là demain on a un spectacle, est-ce que t'es dans le même état d'esprit ou t'as des certitudes sur certains trucs? Alors là je me suis rendu compte, là samedi dernier j'ai eu un gros gala, il y avait 800 personnes à Saint-Avold et dans le public, il y avait 70 personnes sur scène, c'était un truc qui durait 3 heures avec du théâtre, du chant, de la danse, et j'avais zéro trac, zéro pression alors que je jouais et je présentais des personnes qui sont en situation de handicap en plus, donc il y avait une certaine pression malgré tout. Même si je les ai préparés, et j'avais aucune pression et tout s'est bien déroulé. Enfin, ce qui s'est mal déroulé venait pas forcément de moi, c'était plus des problèmes techniques. Vraiment, j'avais zéro pression et je me suis dit, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien d'avoir zéro pression? Est-ce que tu t'es dit, faut pas que j'en ai pour pas le transmettre à mes jeunes et tout? Peut-être, mais d'un autre côté, je me dis, cette pression-là, elle peut quand même nous pousser à produire quelque chose de bon, à se surpasser en fait. C'est une bonne pression. Enfin, quand ça reste une bonne pression, là, je pense que c'est intéressant de l'avoir. Les mauvais stress, tu les as plus ? Si, ça m'arrive. Ça m'arrive, mais c'est plus pour des trucs... En fait, c'est plus quand je mets les gens sur scène que moi. Que quand moi, c'est plus quand je mets les autres contrôle, en danger plutôt que quand moi, je suis en danger. Okay. C'est formidable. Merci beaucoup. Coup de théâtre sur Fadjet. Voilà, j'ai l'impression qu'on connaît un petit peu plus Valentin et on va continuer à creuser cette personnalité. Creuser. Réseaux sociaux. Eh bien Valentin, on aimerait nous connaître un petit peu ton rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que ce sont des outils que tu utilises beaucoup, à la fois personnellement, mais également professionnellement? Et lesquels? Et où est-ce qu'on peut te trouver? Profitons-en pour faire ta pub. Ok, à la base, donc mon rapport déjà avec les réseaux sociaux, à la base j'étais très réfractaire par rapport à ça, quand Facebook est arrivé. Enfin avant Facebook d'ailleurs il y a eu d'autres trucs, j'allais pas sur MSN, on a eu un MySpace à l'époque où j'avais un groupe de rap, tout ça, mais c'était pas mon truc, ça a jamais été trop on mon truc. On sent que t'as plus de 30 ans. Ouais, c'est ça. Et bon, après je m'y suis fait, Facebook, tout ça, j'ai créé un Snapchat que je m'en sers jamais. Ce serait bien que je me mette à Instagram parce que Facebook, on passe pour des vieux avec ça. Donc sinon sur Facebook, vous pouvez me trouver sur Valhorizon. Donc Val-Horizon, c'est la page, c'est ma page de mon auto-entreprise. Donc, je propose des ateliers de théâtre d'improvisation et puis d'autres animations. Après, vous pouvez me trouver sur la page des Poissons Rouges aussi. Là, c'est plus sur des plans collectifs, des spectacles, des interventions collectives, donc avec les Poissons Rouges. Et sinon, sur LinkedIn, Valentin Laurent, donc Valentin mon prénom et Laurent mon nom de famille. Mais je ne suis pas encore sur Instagram. Il faudrait que je m'y mette. Mais ça fait au moins un an et demi, deux ans que je me le dis, mais je ne le fais pas. Mais quand tu dis que ce n'est pas ton truc au départ, est-ce que tu as réussi à t'y mettre professionnellement? Ou alors tu sens que, à part le fait que tu n'es pas Instagram, ou tu arrives à nourrir ton Facebook, ton LinkedIn, ou c'est quand même compliqué? Ouais, j'arrive à le nourrir, même si des fois j'oublie un peu LinkedIn, mais j'arrive à nourrir Facebook. J'ai pris le pli. Quand je disais que j'étais réfractaire, c'était plus par rapport au fait d'exposer sa vie, de dire regardez ce que j'ai mangé, prendre en photo son repas, plutôt que de vivre sa vie, la prendre en photo et la prendre en vidéo, ça c'était le truc qui me gênait, après je l'ai aussi fait comme tout le monde, et je juge pas ceux qui le font, mais moi c'est pas mon truc. Mais tu y es plus professionnellement que personnellement, quoi. C'est ça. Oui, c'était la transition, très belle transition. T'es pas accaparé par les réseaux à passer une soirée entière à regarder des contenus, des vidéos débiles ou... Ah si, des vidéos débiles, si. ça m'arrive de regarder des vidéos débiles. Mais du coup, sur quel support? Bah, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Ah oui, ok. Bah, vieux, quoi, on est vieux. Ouais. Donc, pas TikTok, tout mais ça, si, je suis pas encore... Si là, t'as plus de batterie pendant tout un week-end, y a pas de problème. Non, non, ça ira. Ça ira, j'essaye de me déconnecter. Par exemple, quand je pars en vacances, j'essaye. Et pour tes enfants, est-ce que... Bon, là, elles sont encore petites, mais est-ce que tu fais déjà un peu de prévention? Est-ce que tu vas les inciter à pas trop y aller? Je pense que même on va peut-être parfois un peu loin, parce qu'il n'y a même pas de télé dans mon salon, par exemple. Et on les expose le moins possible aux écrans. Donc là, la grande va avoir 7 ans, la petite, elle a 4 ans. Ils regardent très peu la télé, ils sont très peu exposés à tout ce qui est écran et on tient à ça. Quand tu regardes la télé, c'est des films, des voilà, dessins animés. On va mettre un Disney de temps en temps le week-end, mais grâce aux mamies, elles ont accès à la télé, tout ça. grâce aux mamies, ouais, grâce, parce que c'est bien qu'elles ne soient pas complètement coupées du monde. Mais elles te réclament un téléphone ou la télé, la grande? Elles ont l'habitude de ne pas la voir à la maison, donc elles ne réclament pas. Par contre, une fois qu'elles arrivent chez mamie, elles réclament directement. Ah ouais? Bah oui. Et elles te disent pas, oui, j'ai un copain qui m'a raconté ça, et elles veulent voir la vidéo ou je sais pas quoi. Ouais, des fois je leur montre quand même des petites vidéos, mais on va pas passer. Voilà, à part une soirée, on appelle ça les soirées pyjama, on va regarder un petit dessin animé, quoi. Sinon, non, on passe pas trop de temps sur les écrans. Okay. Mais je pense que c'est moins problématique qu'avant de ne pas avoir la télé, parce que avant c'était vraiment ça, on parlait des dessins animés qu'on avait vus dans la cour d'école. Là aujourd'hui il y a tellement de chaînes de toute façon, il y a tellement de choses à voir, que ce soit sur internet ou sur la télé, que finalement je suis pas sûr que ça se voit. C'est vrai. Qu'elles n'ont pas la télé. Pour l'instant en tout cas j'ai pas l'impression qu'elles soient mises de côté par rapport à ça, et je compte pas les mettre de côté, enfin je compte pas les mettre dans un bunker toute leur vie, mais j'y tenais surtout en bas âge, quoi. Parce qu'apparemment, il y aurait des répercussions négatives sur le développement. Et donc, ah oui, sur le langage et tout. Voilà, mais, c'est ça. Mais bien évidemment, elles écoutent Radio Fadjet. Elles écoutent le matin quand elles sont avec moi dans la voiture, bien sûr. Et est-ce qu'avec ta compagne, vous êtes déjà mis d'accord sur à quel âge on va leur acheter un portable, les autoriser à créer des comptes? Alors, d'ici là, Facebook, ça, c'est vraiment, vraiment hors d'usage. Mais ouais. Est-ce que vous êtes dit, bah voilà, peut-être qu'elles sont entrées en sixième si elles nous le réclament? Ou vous avez déjà mis des règles en place ou vous... Pas du tout, on en a parlé. Mais en fait, ce que je dis, c'est qu'on va devoir, plier à un moment donné. Ouais. Mais le plus tard possible. Ok. Ouais, il faudrait pas qu'elles se sentent exclues par rapport à voilà, ses copains. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça. Copines, en fait, moi, j'ai une grande sœur, enfin, j'ai plusieurs grandes sœurs, et donc il y a déjà l'expérience précédente où j'ai une sœur qui a voulu qui les a exclues, en fait, quelque part, et elle a fini par craquer parce qu'elle s'est dit non, je peux pas faire ça à mon fils. Donc elle a fini par lui acheter un téléphone, mais à la base, elle avait dit pas avant 15 ans, un truc comme ça, et elle a fini par craquer. 15 ans, ouais, c'est beau, hein, 15 ans. Mais au-delà de l'exclusion, je vais parler d'expérience. En fait, ça dépend aussi où ils vont à l'école, etc., parce qu'il n'y a plus de cabine téléphonique, par exemple. Donc aujourd'hui, si tu dois prévenir tes parents qu'il y a un retard, etc., pour ne pas qu'ils s'inquiètent, quand ils ont un portable. Bon, après, ça crée d'autres inquiétudes, parce que quand on n'a aucun message, alors qu'il y a un portable, on est embêté aussi, mais c'est quand même bien pratique pour pouvoir communiquer et prévenir en cas de problème, quel qu'il soit. Mais bon, on vient d'un temps où nous, on prévenait pas nos parents dès qu'on était quelque part, et ça marchait, quoi. Ça allait. Oui, non, on prévenait pas, mais du coup... Parce qu'il n'y avait pas ça. Le collège comprend moins aujourd'hui qu'ils ne soient pas prévenus d'un retard ou d'une absence, parce qu'ils imaginent que le gamin a un portable ou que nous, on peut les prévenir. Mais si on ne le sait pas, enfin voilà, ça peut parfois créer des polémiques. Maintenant qu'on sait que ça existe, on a ces attentes-là qu'on n'avait pas avant. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc, plutôt modéré sur les réseaux sociaux, monsieur. J'essaye. Des fois, je trouve que j'y suis trop déjà. Ben merci pour ces informations, c'était cool. J'ai failli mourir. De honte. Tu vois de quoi on veut parler? Bah, dites-moi. Alors, un moment dans ta vie où tu as failli mourir de honte, enfin, où tu aurais aimé te cacher, disparaître, qu'on ne te voit pas. Que ce soit dans ta vie professionnelle, personnelle, en impro. Bah oui, c'est autre. Drôle parce que tout à l'heure, quand il a parlé du plan où il est allé fumer dehors et qu'il avait envie de s'enfuir, est-ce que ça, c'était vraiment de la honte ou juste du malaise? Ah, c'était du malaise. C'était du malaise, pas de la honte, parce que je pense qu'on avait fait ce qu'il fallait. C'était du malaise. Donc t'as d'autres moments un peu honteux? Oh, j'en ai plein. J'en pense à certains enfants, j'en pense à... En fait, c'est plus des moments enfants parce que je l'avais vécu super mal. Et depuis qu'on fait de l'impro, j'ai moins honte en fait quand je fais des trucs. Bah puis on vieillit aussi, on est moins impacté par ce qu'on donc, fait. Donc j'ai plus des traumatismes d'enfant, de honte d'enfant. Vas-y. En fait, je me souviens de qu'on était. Ouais, en plus, c'est même pas de ma faute. On était en colonie de vacances et le soir, il y a un animateur, tu sais, en bivouac là. Quel âge t'as? Je dois avoir 7 ans. Ah ouais, t'es tout petit. Ouais, et on est en bivouac dans la montagne. Et il y a un animateur qui nous, autour du feu de camp, il nous raconte une histoire qui fait un peu peur. Parce qu'en fait, on voit un hélicoptère passer, on dit c'est quoi l'hélicoptère et tout. Et lui, il commence à raconter, bon, on leur dit ou pas, on leur dit. Oh. Il nous explique qu'il y a une bête, un espèce de monstre qui a été conçu dans un laboratoire dans la montagne qui s'est enfui. C'est horrible. C'est horrible. Et après, pendant la nuit, moi je suis dans la tente et je me lève et j'ai envie de faire caca. C'est tout toi. Ouais, c'est t'as moi. T'as pas changé. Ouais, j'ai envie de faire caca et en fait j'entends un souffle. Donc je veux y aller, mais j'entends comme ça un souffle. Wow. Et je me dis, ouais, c'est le monstre. Et donc je reste et je suis là en panique et tout. Et je me dis, bon, je réveille pas les autres, mais en même temps je suis en panique. Et je finis par me chier dessus au bout d'un moment. Et je m'y attendais pas. Et je me rendors. dans mon caca. Et ensuite, après le matin, vu que j'ai passé une très mauvaise nuit, je me suis réveillé super tard. Par rapport aux autres qui étaient déjà en train de faire un jeu, ils avaient déjeuné et tout. Mais non. Je me réveille super tard et je me rappelle de mon caca. Et en fait, je me rends compte que le souffle, c'était les vaches qui étaient dans le pré. Ils avaient ramené des vaches dans le pré pendant qu'on dormait, ouais. Et je sais pas si elles dormaient ou si elles mangeaient, j'en sais rien, bref. Mais en tout cas, ça soufflait fort. Et après, je vais dans le ruisseau et j'enlève mon slip, je me nettoie les fesses et je jette mon slip dans le... En fait, j'avais peur de me faire engueuler. Pas de preuve. Voilà. Je jette mon slip dans le ruisseau. Et après, pendant un jeu, l'animateur, il m'appelle et il me dit, viens voir là. T'aurais pas perdu un slip? Puis je lui dis non. Je lui dis non et tout, je suis en panique. Je dis non. Et il me dit, bah ça c'est quoi, il y a ton nom dessus. Ah ouais, c'est ça, c'était étiqueté. Ouais, ouais, à l'époque tu mettais les étiquettes et tout. Mais il n'est pas allé assez loin le slip pour qu'il le retrouve ou c'est quoi? Non, non, j'ai dû le jeter dans l'eau. C'était un tout petit ruisseau de mais rien du tout. Mais pourquoi le gars il attrape un slip dans l'eau? Enfin, bah je sais pas, il a dû venir faire la vaisselle, il a vu un slip. Bah laisse-le passer, bah, moi je vois un slip, jamais la vie. Oui, enfin il nettoie la rivière, c'est bien. Et il voit que c'est un slip de gosse, ah, et puis ouais, on est en plein milieu de la montagne, il se doute bien que c'est à nous. Mais est-ce que Valentin, ça t'a convaincu de ne jamais étiqueter les sous-vêtements de tes enfants? Bah non, en fait, non. Parce que c'est arrivé à l'âge que ta fille va avoir. Ouais, ouais, c'est vrai. Imagine ouais, que... C'est vrai. Faut pas que ça se répercute encore à nouveau sur la prochaine génération. Ouais. T'en as une petite deuxième, parce que si elles sont comme celle-là, c'est cool. Une petite deuxième de la honte. Bah, j'en ai une sur scène, en fait. Je crois que c'est mais c'est vraiment honteux, hein. C'est vraiment horrible. Les gens vont, là, ils vont me détester. Mais en fait, c'est sur mon premier match d'improvisation à Pichon. Et je suis avec une équipe du Nord. Et dans l'autre équipe, enfin, moi, je viens d'un quartier populaire, donc j'ai beaucoup vécu dans un milieu cosmopolite. Et dans l'équipe d'en face, il y a deux Maghrébins. Et il y en a un, il dit, c'est mon premier match et j'aime beaucoup faire l'accent africain. Et donc, tout de suite, je lui dis, bah, moi aussi, moi, je viens de banlieue parisienne, donc je tiens bien les accents et tout. Et je lui dis, l'africain, je le fais pas mal. Donc, je dis, on va le faire ensemble. Et puis, il me dit, on va faire une scène ensemble, on fait des africains et tout. Et en fait, l'impro et puis le fait qu'on soit débutant nous a mené sur des sujets vraiment où on est là. On est deux Africains et notre quête, c'est les acédiques. Donc c'est vraiment horrible parce que je me dis, j'ai fait gagner au moins 15 voix à l'extrême droite ce jour-là. Il y a des gens, enfin, sûrement, peut-être s'il y avait des gens d'extrême droite dans le public, ils se sont dit, ah, oh, mais tout à fait, il a raison. Enfin, bref. Il n'a pas pris ça pour des personnages, quoi. En fait, même moi, je me dis, en fait, pourquoi on a fait ça? Mais sur le coup, tu n'as pas regretté. C'est maintenant que tu. C'est après coup, je me suis dit, en fait, c'était n'importe quoi. Fallait mais pas faire ça. Mais combien de temps après? Mais pas en sortant de scène? En fait, pas en sortant de scène, c'est une des seules impros qui est filmée, que j'ai encore en vidéo. Évidemment. Et en fait, en voyant la vidéo, j'ai dit non, c'est horrible, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que sur le coup, non, j'avais l'impression qu'on avait fait une super scène, qu'on s'était bien amusé. Et en fait, le fait de venir quartier populaire, vous savez, c'est un peu comme le Jamel Comedy Club entre nous, entre noirs, robeux, tout ça. On se taille beaucoup, sur les origines, la religion, les trucs et tout. Mais on sait avec qui on le fait, comment on le fait, tout ça. Et le problème, c'est que là, les gens, ils sont pas censés savoir, moi, que je suis pas raciste. Et là, c'était, là, en l'occurrence, c'était une histoire. Oui, quelqu'un qui vient voir de l'impro pour la première fois, il voit cette scène. Toi, tu joues ça, il se dit, ok, le gars est fou et c'est raciste ça. Et tout ça. C'est ça, oui. Et non, mais pas du tout. Apprenez à le connaître. Ouais, ouais. Merci pour ces hontes. Donc, ça, c'était honteux, ouais, aussi. Je comprends. Ouais. Coup de théâtre sur Fadjet. On arrive sur le tout dernier chapitre de cette émission et c'est l'instant autopromo de notre invité, donc de Valentin. Donc si tu as des spectacles à raconter, des événements qui te tiennent à cœur, des choses comme ça, et ça peut être aussi si tu as des recommandations d'ouvrages, de spectacles à voir, de films, de séries que tu as particulièrement adoré à nous communiquer pour que nous aussi on soit... aussi cultivé que toi, ouais. Et évidemment ta promo d'impro. Alors je vais commencer par la promo. Et ben déjà je fais partie des Poissons Rouges, donc le prochain spectacle des Poissons Rouges, c'est à la MJC Pichon le 25 novembre. Donc c'est à 20h30, la place est de 5 €. Et on a un spectacle donc qui s'appelle Les Colocs. Donc c'est l'histoire d'une colocation avec 5 personnes qui sont en colocation et l'un d'entre eux va faire une révélation, mais ça c'est le public qui va choisir. Okay. Donc venez, ça c'est un spectacle sympathique qui est rodé. Quand tu dis c'est nous 5, c'est-à-dire? Alors c'est nous 5, c'est-à-dire il y a les 3 Poissons Rouges, donc il y a Valentin, il y a une personne qui s'appelle Julia, une personne qui s'appelle Rodolphe. Formidable. Et on a invité également Pauline et Guélon, donc voilà, des improvisateurs de talent. Donc n'hésitez pas à venir. Et en plus, il y a une jam session après l'entracte. Donc c'est une scène ouverte au public en fait. Et donc que ce soit des novices ou des confirmés, bah tout le monde monte sur scène et essaye de faire des improvisations tous ensemble. Donc c'est très sympathique, bon enfant, tout ça. Cool. Sinon, dans l'actu, je fais aussi partie d'Improdisiaque. Donc n'hésitez pas à aller sur la page d'Improdisiaque, la page des Poissons Rouges, mais aussi la page d'Improdisiaque, parce que on propose également de nombreux spectacles très sympathiques. À la MJC Pichon aussi. Voilà, c'est déjà pas mal pour la promo, il me semble, que j'ai fait. Mais le oui. tour. Et des recommandations, alors sinon. Ah, moi j'ai une question promo. Est-ce que les Poissons Rouges font partie de la Stan Cup? Ah oui, il y a la Stan Cup aussi. Ouais, il y a la Stan Cup aussi à la MJC Pichon. Et vous pouvez. Nous on campe. Ouais, campé, voilà, mais restez devant la MJC Pichon, les gens, et vous verrez. Donc on campe à la MJC Pichon, mais on laisse pas traîner de slip dans les ruisseaux cette fois. Hein. Et donc. Là, on ne sait pas, peut-être. peut-être. Donc là, la Stan Cup aussi, vous pouvez venir nous encourager. Encourager les Poissons Rouges dans un premier temps. Et puis, encourager aussi Improdisiaque, on ne sait jamais. Encourager le beau jeu. C'est le 10 novembre. Le beau jeu, oui, encourager toutes les équipes. C'est le 10 novembre, en l'occurrence, où les Poissons Rouges évoluent. On rentre en scène le 10 novembre. Ouais. C'est notre premier match. Ouais, ouais. Et sinon, des recommandations. Alors... c'est compliqué parce que j'aime tellement de choses. Ah ouais? Ouais, ouais, j'aime tellement de choses. Tu passes beaucoup de temps à... Je regarde les séries. Séries, ouais, ok. Je suis un peu tombé dans les séries, j'aime beaucoup les séries. Et s'il y en a une que je retiens, c'est La Servante Écarlate. Ouais. Celle-là, elle est exceptionnelle, elle est malaisante. C'est le... Ah ouais, c'est l'intrigue qui te plaît, le perso C'est tout l'univers. Moi, j'aime bien les univers comme ça, un peu dystopiques. Ok. Et puis, tout ce qui est science-fiction, j'aime beaucoup. Le malaise que ça peut... l'émotion. En fait, je trouve ça désagréable, mais en même temps, je trouve ça fort qu'on puisse procurer ce genre d'émotion artistiquement. Moi, je rajouterais que La Servante Écarlate, par rapport à d'autres mondes post-apocalyptiques ou dystopiques, on n'est pas si loin... Enfin, on est très loin de ça, mais c'est pas comme s'il y avait des zombies, quoi. Ouais, ouais. Là, ce sont des êtres humains, c'est entre êtres humains et c'est dur. C'est quoi. Possible. C'est possible. Je rebondis sur ça. Moi, ça m'avait fait un peu la même chose avec La Casa des Papel, où je me suis dit, c'est fou que j'ai de l'empathie et j'ai envie que les... Parce que ce sont les méchants, c'est l'histoire des méchants. Ouais. Et en fait, moi, je me suis dit, waouh, ils ont réussi à me mettre, à soutenir, à vouloir que les méchants s'en sortent, alors qu'à la base, c'est quand même des mecs qui braquent une banque et tout ça. Et je me suis dit, un peu comme toi, c'est fou qu'ils arrivent à me donner cette émotion-là et que je me sente mal à l'aise par rapport à ça. Mais finalement, je trouve ça hyper légitime. Bah ouais, on soutient les méchants. Ouais. Sinon, y a une série que j'affectionne particulièrement, qui est assez vieille, c'est The Wire. Ça s'appelle Sur Écoute en français. Et okay. C'est sur Baltimore, en fait. Et c'est sur la criminalité, surtout à Baltimore. Et chaque saison, c'est une vision différente de Baltimore, mais de la même histoire. Donc tu vas avoir saison, c'est sur les dealers, une saison c'est les flics, une saison c'est les journalistes, une saison c'est les politiciens. Et du coup tout se recoupe. Et tout se recoupe. Tout se recoupe et tu vois que tout le monde est mêlé dans les mêmes histoires, tout ça. C'est vraiment une série incroyable qui a pas eu un grand succès en France quand elle est sortie dans les années 2005-2008 je crois, mais qui a un gros succès depuis quelques années. Elle fait parler d'elle ces dernières années en France. Ok, elle éclate maintenant, quoi. Ça éclate depuis 5-10 ans, ouais, mais il y a des gens qui... Enfin, peu de gens connaissent cette série et vraiment, c'est un incontournable, ça, pour moi. Mais il y en a beaucoup plus maintenant, puisqu'il y a les auditeurs de Fadjet qui vont se ruer dessus. C'est ça. C'est ça. On est tout bon pour les recommandations ? Oui, après, j'ai pas d'idées, là, comme ça, qui me viennent, mais... Ouais, mais c'est déjà bien. Ouais. Ok, je te remercie. Coup de théâtre sur Fadjet. Et voilà, c'était donc la dernière partie de notre émission qui s'appelle donc Coup de théâtre. On va remercier chaleureusement Valentin qui a accepté d'être notre premier invité. Merci à toi. Bah, merci à vous. Merci beaucoup Valentin. Et on remercie également Guélon qu'on entend dans tous les petits jingles là, de nous avoir prêté sa voix pour l'émission. Merci beaucoup. Merci Guélon. Et merci à tout le monde pour votre écoute. Restez sur Radio Fadjet 94.2 ou fadjet.net. À très bientôt. Merci à vous. Salut. Salut.